الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لغاية جليلة عظيمة، ألا وهي إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علا. فقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه: ألا لله الدين الخالص، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا أخبرنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان رديفا ماذا على دابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه إخواني الكرام هي غاية الخلق، فما أوجدهم رب العالمين إلا لتحقيق هذه الغاية، فلا بد لنا جميعا أن نتفقه فيها يوميا ونتذاكر هذا الأمر العظيم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الله سبحانه وتعالى nous a tous créés pour une grande sagesse qui n'est autre que l'adorer seul et cela d'un culte sincère. Et très nombreux sont les versets et les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informent de cette grande sagesse, qui nous ordonnent la concrétisation de cette grande sagesse, qui nous détaillent les récompenses prévues à ceux qui vont concrétiser cette sagesse, qui nous met en garde contre ceux qui ne vont pas mettre en pratique ce pourquoi ils ont été créés, cette grande sagesse. Cette grande sagesse n'est autre que d'adorer Allah d'un culte sincère. Adorer Allah en concrétisant le monothéisme. À cet effet, il nous dit dans son livre, dans Surat al-Dhariyat, sur la traduction des sens de ce verset: « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas d'eux ma subsistance, ni qu'ils me nourrissent, mais certes Allah est le pourvoyeur, à la force, l'inébranlable. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la sagesse de la création, la sagesse de la présence des djinns et des hommes. C'est autre qui n'est autre que adorer Allah d'un culte sincère. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ce verset: je n'attends pas de ma subsistance ni qu'il me nourrisse. Une personne pourrait se dire: pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla nous a tous créés? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'im. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de nous la subsistance ni qu'on de l'eau, ni qu'on lui soit profitable dans quoi que ce soit. Car Allah Azza wa Jal, lui, est celui qui nous donne notre subsistance, tout comme il est celui qui nous a créé. Naam. Et tant que la personne est en vie, elle a sa subsistance qui lui est écrite. Aussi, il nous dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi vous atteindrez la piété. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les choses qui prouvent qu'il est le seul à mériter cette adoration, comme le fait d'avoir créé la terre, de l'avoir aplanie pour nous, de nous avoir mis en toi le ciel, d'avoir fait descendre la pluie et des nuages. Puis il nous interdit ce qui vient contredire la base de cette sagesse, ash-shirku billah. Et il nous dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'assignez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez qu'il est l'unique créateur des cieux et de la terre, l'unique maître, l'unique gérant, donc le seul à mériter entièrement l'adoration. Il nous dit également, n'est-ce point à Allah qu'appartient la religion pure? C'est-à-dire, la ilaha illallah. Et dans Suratul Bayyinah, il n'aura cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Voici la religion de la droiture. Cette chose-là, mes chers frères, c'est la sagesse pour laquelle Allah nous a créé. Adorer Allah d'un culte sincère sans jamais rien lui associer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'il était en groupe avec Mu'ad ibn Jabal, qui donc était sur sa monture derrière lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Ya Mu'ad ibn Jabal. » Il lui répond, « La bayka ya Rasulallah wa sa'dik. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle à nouveau, « Ya Mu'ad ibn Jabal. » Mu'ad répond, « La bayka ya Rasulallah wa sa'dik. » Une troisième fois, « Ya Mu'ad ibn Jabal. » « Ya Mu'ad ibn Jabal, la bayka ya Rasulallah wa sallam. »« Atadri ma haqullah ala l'ibad. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir attiré son attention et lui avoir fait montrer l'importance de ce qui va suivre, il lui dit, « Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs ? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah ?» Mu'ad a répondu, « Allah et son messager sont plus sages. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc enseigné le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il l'adore sans jamais rien lui associer. Ça, c'est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. C'est ce que nous devons connaître de manière obligatoire et ce que nous devons concrétiser. Et ça n'est que pour cette sagesse et sa concrétisation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux, la terre, ce bas monde et l'au-delà, paradis, l'enfer, la balance et ainsi de suite. Et ça n'est que pour cela qu'Allah azza wa jal envoya les prophètes et les messagers et qu'il a légiféré le fait de commander le convenable et de blâmer le blâmable. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Donc tous les prophètes sont venus pour cette mission et toutes les épreuves ne sont que pour montrer qui est véridique dans cette parole, dans sa mise en pratique, dans sa propagation, de qui sont les menteurs dans cela ou ceux qui s'en sont détournés. وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fourni tant d'efforts. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tant enduré pour que cette parole se propage et pour que ce message soit clairement démontré à l'ensemble des mondes. Et Allah azza wa jal lui a ordonné de propager cela. Lui a ordonné de détailler cela, lui a ordonné de prêcher à cela et d'endurer. Puis il a éduqué ses compagnons sur cette base et les a envoyés eux à leur tour pour propager At-Tawhid et l'expliquer de manière générale et l'expliquer de manière détaillée, tout comme il a exposé parfaitement ce qui viendrait d'entacher At-Tawhid et c'est Ash-Shirku Billah. Dans le Coran, on nous montre la gravité de ce péché. On nous montre ses différentes formes. Dans la Sunna, on nous met en garde contre ce péché. On nous montre sa gravité et on nous montre ses différentes formes. Tout cela pourquoi? Pour comprendre le tawhid, qui est la sagesse de notre création, et le parfait. Et pour nous montrer al-shirk, qui est ce qui vient contredire la sagesse de notre création, afin qu'on puisse le connaître pour s'en éloigner. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire au message d'Allah, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et messagers. Si tu nous donnes des associés, toutes tes actions deviendront vaines. Toutes tes actions deviendront vaines. Et après qu'Allah Azza wa Jal ait fait l'éloge de beaucoup de prophètes, dans le passage « Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim », Allah Azza wa Jal nous dit à la fin de tout cela « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا. » Et s'ils avaient commis le polythéisme, tout ce qu'ils ont fait serait devenu vain. Donc, « أَشْرِكُوا بِاللَّهِ أَعْظَمُ الظُّلُوبِ وَأَعْظَمُ ذَنْبِ عُسِيَ اللَّهُ بِهِ. » Donc, c'est le pire péché par lequel Allah fut désobé. Il nous dit dans le Coran, « إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. » Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Il nous dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Il nous interdit le shirk, n'assignez pas à Allah des égaux. Naam. Et il nous montre la finalité de celui qui reste dans cela sans se repentir. إِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Certes, celui qui commet le polythéisme, le paradis lui est interdit. Allah lui interdit le paradis. Sa demeure sera l'enfer et pour les injustes, nul secours. Ça, c'est un shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit J'tanibu sab'a al-mubiqat, qila wa mahumna ya Rasulallah, qala al-ishraku billah. Wa sihr. Éloignez-vous des sept péchés qui causent la destruction, la perte du serviteur. Lesquels, au message d'Allah? Le polythéisme, la sorcellerie et il a cité notre péché. Et il nous dit aussi Allah unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ash-shirku billah. Ne vais-je pas vous informer des pires péchés? Le polythéisme. Donc, c'est le pire péché et c'est la chose la plus grave et qu'Allah Azza wa Jal déteste le plus. Il nous faut donc l'étudier en détail afin de connaître ses différentes formes et pour pouvoir s'en éloigner. Ash-shirk al-akbar, comme le fait d'adorer un autre qu'Allah et de prendre une adoration de la donner à un autre qu'Allah, comme le fait de chercher l'aide et le secours à autre qu'Allah Azza wa Jal, comme le fait d'aimer autre qu'Allah comme on aime Allah, comme le fait d'avoir peur d'un autre qu'Allah comme on a peur d'Allah, comme le fait de prier un autre qu'Allah, comme le fait de sacrifier une bête au nom d'un autre qu'Allah ou pour Allah, comme le fait de faire de la sorcellerie, na'am, comme le fait de croire qu'autre qu'Allah Azza wa Jal connaît les choses de l'invisible ou le futur, comme le fait de penser qu'autre qu'Allah Azza wa Jal peut accorder la descendance ou la guérison, comme le fait de croire qu'autre qu'Allah peut nous faire passer al-sirat, entrer au paradis, être préservé de l'enfer. Tout cela entre dans shirk wal-iyadu billah. Puis il y a le shirk asrar, comme le fait de porter des talismans, des gris-gris, des amulettes, comme le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, comme sur ses parents, sur l'amana ou sur ses enfants. Tout cela fait partie du shirk. Na'am. Comme le fait de dire « Masha Allah wa shi'it » c'est ce qu'Allah et toi-même avez voulu. « Ou laoula Allah wa ant » sans Allah et toi, ceci me serait arrivé. Tout cela fait partie du shirk wal-iyadu billah. Il nous faut donc nous prémunir de cela, l'étudier pour pouvoir nous en éloigner. Car Allah Azza wa Jal nous a interdit ces péchés, ce shirk, sous toutes ses formes. Naam, sous toutes ses formes. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien, ni quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal n'agrée pas à shirk sous toutes ses formes. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. La base du shukr, et shukr, c'est التوحيد. C'est التوحيد, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc il faut s'éloigner du shirk sous toutes ses formes. Et il faut l'étudier. Na'am. Et Pour ce faire, il faut lire le Coran, le méditer, lire tafsir le Coran. Na'am. Puis, il faut étudier le livre Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi al-abid, du grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Et après avoir connu cela, après avoir compris cela, il te faut que toi-même tu transmettes ces connaissances et tu invites les gens au Tawhid. Car si une partie de la communauté, wallah alhamd, a compris le Tawhid en détail, et le met en pratique et shirk en détail et s'en éloigne, certains ont une connaissance qui n'est que générale et ignorent beaucoup de formes du shirk. Donc tu dois sans cesse appeler à cela, et sans cesse appeler à cela, et aussi appeler à ce qui vient, ce qui fait partie des droits du tawhid, c'est-à-dire les obligations, et s'éloigner des interdits. Et la plus grande obligation, c'est salah. C'est as-salah, puis as-zakah, puis siyam ramadan, puis le hajj. Tu appelles à tout cela. Tu appelles à tout cela. Non, mais tu enseignes aux gens cela après qu'ils aient connu le tawhid et qu'ils aient préservé leur islam. Car sans tawhid, il n'y aura pas de mérite à prier, à jeûner, à faire le hajj, l'amra et autres. Car c'est la base et la cause d'acceptation, la condition d'acceptation des actes d'adoration. Et sans cela, les actions sont vaines. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui donc qui espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse des actions pieuses et n'associe rien à Allah dans le culte ou à son Seigneur dans l'adoration. Donc ça, c'est la cause d'acceptation, c'est la condition d'acceptation des actes. Adore Allah d'un culte sincère et ne pas commettre de shirk et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a mis dans ses chapitres, après avoir expliqué le tawhid de manière générale, ses mérites et la crainte du polythéisme, bab da'wa ila la ilaha illallah ila shahadati an la ilaha illallah, le chapitre du fait d'appeler les gens à la ilaha, au témoignage qu'il n'y a point de divinité ni d'être adoré excepté Allah. Et ça, c'est le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers. C'est le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers, puis de ceux qui sont venus après eux, comme Abou Bakr, Omar, Uthman, Ali, et ceux qui les ont suivis avec excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib. Na'am. Et il lui a dit, ud'uhum ila shahadati alla ilaha illallah. Na'am. À quoi dois-je appeler les gens? Il a dit, à la ilaha illallah. Et lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل الحديث عند البخاري ومسلم. C'est le prêche de ceux qui suivent les prophètes et les messagers. Allah dit dans le Coran, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali à la bataille de Khaybar, il lui a dit d'inviter les gens à la ilaha illallah. Et lorsqu'il envoya Mu'adh au Yémen, il lui a dit d'inviter les gens à la ilaha illallah. Il a tawhid, la shahadati à la ilaha illallah. Et que Muhammad Rasulullah, s'ils obéissent dans cela, non, s'ils concrétisent cette base, adhèrent à cette base, et disent, prononcent cette base, à ce moment-là seulement, informez-les qu'Allah leur a ordonné 5 salats, de jour comme de nuit. Puis après zakat et ainsi de suite. Ça, c'est le prêche de l'islam. Et celui qui adhère à cela, il n'y a entre lui et le paradis que son temps de vie. Celui qui est sur le tawhid et sur la sunna, il doit avoir la certitude qu'il n'y a entre lui et son entrée au paradis que le temps de sa vie. Que le temps de sa vie. Allah Azza wa Jal l'a mis dans une prison, cette dunya. Et dans cette prison, il y trouve un paradis, c'est l'islam. Wa ma'rifatullah, wa mutaba'at al-rasul, malgré qu'il soit dans cette prison. Pourquoi? Parce qu'il s'emprisonne, il s'emprisonne lui-même dans le fait de ne pas désobéir Allah Azza wa Jalla. Il s'emprisonne lui-même dans le fait de rester dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Il s'emprisonne lui-même dans le fait de ne pas se révolter devant le décret d'Allah Tabaraka. C'est volontaire. Non. Puis, lorsqu'il décède et qu'il est ressuscité, jugé, il entre au paradis, toutes ses tous ses ordres et tous ses interdits ne sont plus. Na'am, il sort de ce sijn, comme l'a expliqué l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, car il n'y a plus d'interdit. Na'am, wa huffat al-janna bil makarih. Et le paradis est entouré des choses qui sont lourdes, difficiles pour l'âme. Na'am, mais la personne ne saurait se délier du mal et du shaitan et autres passions, si ce n'est en entrant dans le chemin du tawhid, des suiveurs, des messagers et des prophètes. Et c'est ce qu'ont fait les gens après Sahaba, Tabi'un, et ce qu'ont fait les gens après Tabi'un, Atba'u Tabi'in, et les imams de la communauté, comme l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed, Sofianan, Hamadan et autres. Na'am, jusqu'à l'époque de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et Abdul Latif, et d'autres. Maza, jusqu'à notre époque, les grands savants de l'Islam, comme Cheikh Salah al-Fawzan, Abdelaziz Ali Sheikh, et d'autres parmi les grands savants de l'Islam et des prêcheurs au Tawhid. Et c'est ce sur quoi doivent être les prêcheurs, élèves des ulamas, et ceux qui ont pris des ulamas, et ceux qui ont étudié. Ils doivent suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a légué à ses héritiers, sahaba, les savants. Cette même voie qu'ils ont léguée à leurs héritiers, tabi'oun, et ainsi de suite, on doit rester sur cette voie-là, sur At-Tawhid wa Sunnah. Et celui qui a été gratifié de ce bienfait, il doit propager, appeler et inviter les gens à cette vérité. Hein? Il doit appeler les gens à cette vérité, à l'Islam. Car celui à qui est parvenu ce message et qui n'unifie pas Allah d'un culte sincère, il n'aura d'autre destination, si ce n'est la même destination de ceux qui ont fait la même chose avec avant lui, comme Fir'aoun, comme Abu Lahab, Abu Jahl, Ubay ibn Khalaf, et Qaroun, et autres. Na'am. Quant à celui qui embrasse la religion d'Allah Azza wa Jal, et qui concrétise ce pour quoi il a été créé, il n'aura dans ce bas monde que le bien, dans sa tombe que le bien, et dans l'au-delà que le bien. Na'am. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait de bonnes actions tout en étant croyant, qu'il soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une bonne vie. Il sera heureux. Na'am, il sera rétribué selon le meilleur de ce qu'il faisait. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Na'am. Donc, il a été révélé pourquoi le Coran litas'ad, pour que tu sois heureux de par la compréhension de ce qui s'y trouve, croire en ces informations, appliquer ces ordres, t'éloigner de ces interdits. Hadha huwa al-islam wa al-istislam lillah bit-tawhid. Fait de se soumettre à Allah en concrétisant le monothéisme pur, en reconnaissant qu'il est le Seigneur des mondes, le seul maître, le seul géant. Na'am. Aussi en lui reconnaissant la perfection absolue dans ses noms et ses attributs. Et reconnaissant donc ce qui découle de cela, le fait que ce soit le seul qui mérite entièrement l'adoration. Et voici le sens de la ilaha illallah. C'est cela que nous devons étudier. C'est cela qu'on doit se rappeler dans nos assises. C'est à cela qu'on doit inviter les gens. Et c'est ce qu'on doit propager dans nos foyers et nos voisins et autres. Les appeler à ce bien au-dessus duquel il n'y a pas de bien. Cette religion, la religion du dernier prophète et messager, le meilleur d'entre eux, le plus noble chez Allah subhanahu wa ta'ala, Khalil Rahman wa Kalim Rahman wa Habib Rahman, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le message du dernier prophète et des messagers, le plus noble d'entre eux, le préféré d'Allah azza wa jal, le dernier prophète et messager, Muhammad ibn Abdullah, celui qui a eu le meilleur des comportements avec son Seigneur, le meilleur des comportements avec ses proches, avec sa famille, le meilleur des comportements avec ceux qui lui ont fait la guerre et ont tenté de l'assassiner, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des comportements avec ses compagnons. Na'am, le meilleur des comportements avec sa communauté, avec ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu. Sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué en leur faveur. Il a pleuré par pitié envers eux de peur que qu'ils soient touchés par le feu de l'enfer. Il a parfaitement transmis le message et il a enduré dans son message, dans sa voix. Il a parfaitement conseillé la communauté. Il n'a pas laissé un bien qui nous rapproche d'Allah sans nous l'exposer. Il n'a pas laissé un mal qui nous éloigne d'Allah et nous rapproche de l'enfer sans nous mettre en garde contre ceux. Fawa Sayyid Waladi Adam, sallallahu alayhi wa sallam, on doit apprendre qui il était. On doit étudier sa biographie, on doit apprendre sa sunna, la suivre. On doit apprendre al-bid'a, ce qu'il a contredit, s'en éloigner, mettre en garde contre cela et contre ses adeptes. Parce que ça fait partie des droits du prophète, alayhi salatu wassalam. On doit préférer sa sunna à tout autre. On doit le prendre comme exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Allah nous dit, vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du message d'Allah pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. Ou plutôt celui qui espère en Allah et au jour dernier. Tu dois connaître ce prophète, son amada, son nom, sa ville de naissance, sa ville où il a fait le hijra, l'âge auquel il a reçu la révélation, ce à quoi il a invité les gens. Na'am, tu dois respecter ses compagnons, ses épouses, leur accorder une grande place et invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. Ce à quoi il a appelé, tu dois l'étudier, le mettre en pratique et y appeler également. Ce contre quoi il a mis en garde, tu dois l'étudier, toi aussi mettre en garde. Wa hakadha, tu dois respecter ses héritiers, les ulama. Na'am, les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et tu dois chercher à prendre de leur science, prendre conseil auprès d'eux, revenir à eux lors de divergences. Tu dois invoquer Allah en leur faveur, les aimer, préserver ta langue, de les mentionner en mal. Tout cela fait partie de ce que tu dois connaître en étudiant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme tu dois le prendre en exemple dans ses paroles, dans ses actions. Alayhi salatu wa salam wa ba'd. Si la personne intéressée par l'islam est présente, qu'elle s'avance. On va t'apporter une chaise. Donc il y a à ma droite Henri qui nous est venu. Il est intéressé par l'islam. Probablement qu'on t'a expliqué certains détails que je vais te répéter ici. Celui qui souhaite entrer en islam, il doit prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi. À savoir, Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah. Ce qui signifie, j'atteste et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Donc tu dois renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. On n'adore ni prophète, ni ange, ni personne pieuse, ni vertueuse. Nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est notre créateur. Est-ce que c'est compris? Aussi, on renie le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et on lui voit un culte exclusif. Puis, on reconnaît la prophétie de tous les prophètes et messagers. Que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on ne fait aucune distinction entre eux dans cette reconnaissance. On croit, on les aime tous, on a foi en leur message et on suit le dernier des prophètes et messagers. Est-ce que cela est compris? Aussi, il faut savoir que le prophète Isa, alayhi salam, Jésus, n'est pas le troisième de trois, n'est pas la divinité qui mérite l'adoration, mais il est le fils de Maryam, il est le fils de Marie, et c'est une femme pieuse et vertueuse à qui Allah a donné ce miracle, un enfant sans père. Et c'est le prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le messager qui a été envoyé avant le dernier prophète et messager. Mais on ne l'adore pas parce que c'est un serviteur. Mais on croit en sa prophétie. Si ceci est compris, je vais dicter à présent l'attestation de foi par laquelle on entre de plein gré en islam. Ashhadu Ashhadu Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Je félicite Kevin pour ta conversion à l'islam. On t'annonce la bonne nouvelle que ceci est le plus grand repentir et le meilleur retour vers Allah. Car celui qui entre en islam, Allah lui pardonne l'ensemble de ses fautes passées. Et celui qui entre en islam, Allah l'a aimé et a voulu pour lui le bien. Donc on t'invite à étudier ta religion, à la mettre en pratique et à t'y accrocher et à questionner à son sujet et la prendre avec science et la mettre en pratique. Waffaqanallah wa iyyak. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Narji'u ila darsina. Naam. Fi al-jum'ati al-madiyah تحدثنا عن غزوة الأحزاب. La semaine passée, nous avons parlé de la bataille de l'Ahzab. Cette bataille qui est la dernière bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Et après cela, personne n'a pu venir attaquer les croyants chez eux, à Al-Madina. Et lorsque les Ahzab sont arrivés, ils ont été surpris par les tranchées, chose qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et ils ont tenté toute la journée et même après le coucher du soleil de franchir cette tranchée. Mais les compagnons, leur ou les visaient de leurs flèches, ce qui ne laissait pas Al-Ahzab traverser la tranchée. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir éprouvé réellement les croyants, leur a accordé le secours en envoyant un vent qui a effrayé Al-Ahzab, qui a éteint leurs marmites, qui a retourné leurs tentes et les a laissés dans un climat d'insécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous sont venus les armées et il envoya sur eux un vent et une armée que vous ne voyez pas. Et Allah est parfaitement clairvoyant de ce qu'ils font. Et aussi, les sahaba radiallahu anhum, par la lourdeur, de par la multitude et de par le grand nombre de l'ennemi, ils n'ont pas pu faire salatul asr à l'heure. Et ce, jusqu'au coucher du soleil. Puis, ils ont pu faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre eux. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il remplisse leur demeure, ou plutôt leur tombe, de feu du fait qu'ils l'ont préoccupé au point qu'il n'a pas pu prier la prière du Asr à l'heure. Et dans cela, il y a l'importance de la prière à l'heure. Al-Ahzab était accompagné de différentes tribus de Bani Israël, comme Bani An-Nadhir et comme ceux qui avaient trahi le pacte, Bani Qurayza. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un secours de la part d'Allah Azza wa Jal par Nu'aym radiallahu anhu qui avait embrassé plutôt l'islam. Ce dernier est parti voir les différents groupes composant Al-Ahzab et il les a fait douter les unes ou plutôt les uns des autres. Il les a fait douter les uns des autres. Ainsi, Bani Qurayza s'est détaché de Quraysh et ils sont retournés dans leur demeure. Ils avaient pour habitude de vivre dans des forteresses. Donc ils sont partis et se sont terrés dans leur forteresse. Quant à Abu Sufyan, radiallahu anhu, à la fin, il a jugé sage de repartir à Mecca. Lorsqu'il a vu la difficulté due au vent, la difficulté due à Al-Khandaq, les tranchées, et autres, comme le fait que Banu Qurayza se soit séparé d'eux, au final, il leur a dit, ça n'est pas un lieu de séjour pour nous, et ils sont repartis à Mecca. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les croyants. Par la suite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam déposa les armes, il y a eu la ghazwa de Bani Qurayza. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trahi le pacte. Et c'était la dernière tribu qui était à Al-Madinah. Quant à Banu Qaynuqa, suite à la bataille de Badr, ils avaient trahi. Quant à Banu Nadir, avant cela, déjà après la bataille de Uhud, ils avaient été exilés à Khaybar et à d'autres endroits. Il ne restait donc que Bani Qurayza. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on expliquera cela et la suite. On s'arrête sur cela. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ويصلح ذوات بيننا وذات بيننا وأن ييسر لنا مجالس العلم وزيارة أهله كما أسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أهدنا واهد بنا اللهم أهدنا واهد بنا اللهم أصلح زوجاتنا اللهم أصلح زوجاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا إنك أنت أرحم الراحمين الغفور الرحيم والله أعلم وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله